comme le dit 1 Pierre 2, verset 9. Mais il peut arriver que Dieu nous châtie comme il a fait pour Israël. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, la montagne de Sion sur laquelle était bâti le temple de Dieu était considérée comme la demeure de Dieu. Voici les évidences qui semblaient affirmer que Dieu avait abandonné Israël. C'est par exemple la destruction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, le temple qui était la demeure de Dieu, était détruit, selon les versets 3-4. Il y a aussi la pose de leurs signes, c'est-à-dire les bannières, les images et leurs divinités. Les peuples étrangers ont mis leurs signes dans la maison de Dieu. Il y a troisièmement la dévastation des sculptures du temple à coups de haches et de marteaux. Le verset 6 nous montre cela. Il y a également la mise au feu du sanctuaire et sa profanation, verset 7, et la disparition des prophètes, c'est-à-dire les vrais prophètes étaient soit tués, soit emprisonnés pendant ce temps-là. Et puis, l'oppression du peuple de Dieu et le mépris du nom de l'Éternel, verset 10. Donc, toutes ces choses se sont déroulées lorsque l'armée de Nabuchodonosor est entrée dans la ville de Jérusalem. Et c'est ce que ce psaume est en train de refléter. Asaph se pose la question. Il a l'impression que Dieu a rejeté Israël pour que ces choses arrivent. Et le livre de Chroniques nous décrit cet événement tragique auquel se réfère Asaph. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques 36, 17 à 20. Ce passage dit « Alors l'Éternel fit monter contre eux les rois des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni les vieillards, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous ses objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume perse. » Je vais dire à quelqu'un, quand tu vis dans le péché, tu vis dans l'immoralité, dans le mensonge, quand toi qui es chrétien, tu t'en vas au culte à la messe, mais tu vas encore consulter les marabouts, mon ami, tu risques d'être châtié par Dieu. C'est ça. Mais repens-toi si tu t'es égaré. Deuxième vérité, rappelons-nous des délivrances que Dieu a opérées dans les temps anciens. Lorsque nous traversons des moments difficiles, tournons-nous vers l'Éternel et rappelons-nous des grandes délivrances et des grandes victoires qu'il nous a accordées dans le passé. Asaph rappelle que Dieu est le roi qui régnait sur Israël dès les temps anciens. C'est pourquoi il a opéré des grandes délivrances en faveur de son peuple. Asaph énumère quelques-unes. Par exemple, il a fendu la mer Rouge en deux. Il faisait allusion à la traversée de la mer Rouge à sec. Il a aussi énuméré le fait que Dieu a brisé les têtes des monstres sur les eaux et il a écrasé la tête du crocodile, verset 14. Il a fait jaillir des sources et des torrents, verset 15. Il est le créateur de toutes choses, les jours, la nuit, la lumière, le soleil, c'est lui qui les a créés. Il a créé la terre et il a fixé ses limites. Il a créé les saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, toutes ces saisons, c'est Dieu qui les a créées. Donc, Asaph se rappelle de ces choses. Nous aussi, nous devons nous rappeler, non seulement des grandes délivrances que Dieu a accomplies, mais de ses œuvres aussi. Tous ces éléments servent à démontrer la puissance divine. Romains chapitre 1, verset 20 dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Romains 1, verset 20. Troisième vérité, demandons à Dieu de se souvenir de nos ennemis et de se lever en notre faveur. Oui, je parle à quelqu'un, tu es combattu, tu as des ennemis, tu as des gens qui ont prononcé des malédictions contre toi pour que tu n'évolues pas, pour que tu n'avances pas. Mais demande à Dieu de te souvenir, c'est ce qu'Asaph ici a fait. Asaph dit, souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. C'est ce qu'il dit au verset 18. En effet, l'armée de Nebuchadnezzar est entrée dans la ville de Jérusalem parce que Dieu lui-même l'a permis. C'est pour châtier son peuple. Mais les Babyloniens pensaient que c'est par leur force qu'ils ont dominé sur Israël et ils ont méprisé le nom de l'Éternel. La suite de l'histoire nous montre qu'après 70 ans, Dieu a délivré son peuple en utilisant Cyrus, roi des Perses, pour signer les décrets du retour des Juifs dans leur pays pour rebâtir le temple de Jérusalem. Asaph demande à Dieu de se souvenir aussi de son alliance avec Israël et d'intervenir en sa faveur. Verset 20. Il demande à Dieu de se lever et de défendre sa cause. Verset 21. La cause du peuple de Dieu est identifiée comme la cause de Dieu lui-même. Il a dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Zacharie 2, verset 8. La finalité de l'intervention divine est que les malheureux célèbrent son nom. Oui, toi qui m'entends, peut-être que tu vis des moments de combat. Dis à Dieu de se souvenir de son alliance. Même si Dieu te châtie, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu te repens, tu reviens à lui. Dieu lui-même va te réhabiliter. Dieu lui-même va te restaurer et il va châtier tes ennemis maintenant. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous allons louer son nom. Chantons ces cantiques. Les dispositions sont derrière qui m'est condamné. gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, dis merci à ce Dieu-là. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent OSB. D'ici là, nous aurons notre grande rencontre d'action de grâce à Abidjan. Si vous pouvez vous déplacer où que vous soyez, venez aussi. Ce sera le samedi 28 décembre 2019 de 9h à 13h. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons écouter des témoignages. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 74. Voici quelques sujets de prière. Prions pour tous ceux qui ont l'impression que Dieu les a rejetés à cause de l'oppression qu'ils vivent, afin que Dieu fortifie leur foi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions et nous te magnifions ce matin. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, nous te disons merci pour la sécurité que tu nous donnes, nous te disons merci parce que tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous prions ce matin pour tous ceux qui ont le sentiment d'être abandonnés, ceux qui ont le sentiment d'être rejetés, d'être mis à l'écart. Nous demandons au Père éternel que tu interviennes dans leur vie et que tu les délivres de ce sentiment de rejet, de ce sentiment de solitude. Ta parole déclare, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Merci Père éternel, parce que nous avons cette assurance que notre prière a été exaucée. Nous prions pour notre sœur, nous prions pour notre frère qui nous écoute en ce moment et qui se sent abandonné, qui se sent abattu. Nous demandons Père que tu renouvelles ses forces. Nous demandons Père que tu les relèves dans leur chute, que tu combattes pour eux dans leur lutte. Interviens dans leur vie Père éternel, afin qu'ils puissent avoir une nouvelle espérance. Nous prions et nous nous élevons contre toute forme de mélancolie, contre toute tendance suicidaire. Nous déclarons que ces sentiments sont nuls et de nul effet et que le nom de Jésus-Christ apporte une transformation, apporte une nouvelle espérance dans la vie de tes fils et de tes filles. C'est avec joie, ô Père éternel, que nous nous tournons vers toi ce matin et nous t'adressons cette prière. Nous avons cette assurance que notre prière a été exaucée. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Rappelons-nous des grandes délivrances que Dieu nous a accordées dans le passé et prions que notre foi en lui soit toujours renouvelée, que chacun se souvienne de toutes ces grandes délivrances. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche. toi la gloire ce matin, nos acclamations ce matin. Nous nous inclinons devant ta majesté, devant ta gloire, devant ta puissance, devant ta seigneurie, ton autorité, parce que tu es le Dieu des signes, tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui a toujours agi dans notre vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et tu continues à faire dans notre vie. Nous nous souvenons que tu nous as donné des enfants au moment où nous ne nous attendons pas. Tu nous as donné un travail, un époux, une épouse. Tu nous as donné des grandes choses au moment où nous étions inquiets, nous étions soucieux. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. On a failli nous renvoyer des maisons, du travail. Mais nous t'avons invoqué, nous t'avons supplié. Nous t'avons, notre Dieu, notre Père. Nous avons pleuré devant toi et tu t'es manifesté. Tu as démontré que tu nous aimes, que tu es fidèle malgré notre infidélité. Dieu Tout-Puissant, nous nous souvenons de tous ces bienfaits dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin, en famille, pour te dire merci, pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer, pour reconnaître ta seigneurie. Merci Seigneur, louange à toi. Et nous savons que tu vas continuer à agir à honorer ta parole, à honorer tes promesses dans notre vie. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu de se souvenir de nos ennemis qui nous outragent et qui outragent son nom. Que Dieu se lève pour défendre notre cause. Au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. À qui irons-nous pour avoir la protection? Vers qui pouvons-nous aller pour avoir la sécurité, pour avoir tout ce qu'il faut pour mieux te servir et être notre Dieu, notre Père, dans les bonnes conditions? Nous sommes environnés d'ennemis. Nous sommes environnés des gens qui ont la haine, qui ont la jalousie pour nous, qui nous jalousent, qui ne veulent pas notre bonheur. Et qui pose des actes pour nous contrarier, pour nous humilier, pour nous déshonorer. Notre Dieu, notre Père, nous sommes des hommes qui avons des sensations, des émotions. Nous te prions d'avoir compassion de nous. Nous te prions de nous permettre de mieux te servir. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons, nous te confions tous ceux-là qui nous veulent du mal, qui nous veulent notre Dieu, notre Père, qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous ensorceler, ne veulent pas notre bonheur, notre joie, notre paix, notre élévation, notre promotion, pour que nos enfants réussissent. Nous voulons te les remettre ce matin, même là où nous travaillons, dans notre ministère, dans l'église où nous travaillons, nous te prions de te manifester, de te glorifier. Démontre à ces personnes-là que tu nous as choisies, que c'est toi que nous servons, c'est toi qui nous as mis à part pour te servir. Donne gloire à ton nom, parce que tu nous as dit, celui qui nous a touchés a tenu la première de tes yeux. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.